بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس الحادي عشر في تفسير كتاب الله تعالى Nous sommes donc au 11e cours dans le tafsir, l'exégèse du livre d'Allah, le Très-Haut. ورأينا أمس قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. Nous avons vu hier la parole d'Allah le Très-Haut, فإذا جاءت الطامة الكبرى. Alors lorsque viendra le plus grand cataclysme, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى, le jour durant lequel l'être humain se rappellera de ce qu'il a avancé, de ce qu'il a accompli, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى, et que الجحيم, l'enfer, sera mis en évidence pour ceux qui voient. وَذَكَرْنَا مَا تَيَسَّرَ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَا فِي هَذِهِ الْآيَاتِ. Et nous avons cité donc ce qui était possible de citer hier concernant les paroles des savants sur ce sujet, sur ces versets. ثم قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Et donc ensuite Allah le Très-Haut qui dit فَأَمَّا مَنْ تَرَى, concernant celui qui a dépassé les limites, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, et qui a favorisé la vie d'ici-bas, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, alors l'enfer, la fournaise est son repus et son refuge, est le refuge. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, en ce qui concerne celui qui a peur de comparaître devant son Seigneur et qui a empêché à l'âme de suivre ça, de suivre la passion, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, alors le paradis est le refuge. Concernant la parole d'Allah, فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, en ce qui concerne celui qui a dépassé les limites et qui a favorisé la vie d'ici-bas, فَهَذَانِ الْوَصْفَانِ هُمَا وَصْفَ أَهْلِ النَّارِ, ces deux caractéristiques sont les caractères des gens de l'enfer. Des gens de l'enfer. فَأَمَّا مَنْ تَغَى, en ce qui concerne celui qui a dépassé les limites, aïtaja wazal had, et donc celui, comme on a cité dans la traduction, ce verset signifie celui qui a dépassé les limites. Wa haddul insan madhkurun fi qawlihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et la limite de l'individu, elle est présente dans la parole d'Allah le Très-Haut lorsqu'il dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Faman lam ya'budillaha tajawaza haddahu wa man 'abada ghayra allahi tajawaza haddahu, alors celui qui n'adore pas Allah a dépassé ses limites. Celui aussi qui adore autre que Allah a dépassé ses limites. Wa min ahli al-ilm man yara anna at-tughyana a'am min dhalik fa la yashmalu al-ibadata fa hasb wa inma yashmalu al-ibadat wal-ma'murat wal-manhiyat. Et parmi les gens de science, il y a certains qui voient que la transgression ici, le fait de dépasser les limites, est plus général que cela. Et que cela ne concerne pas que l'adoration, mais cela concerne l'adoration, les obligations et les interdictions. قال ابن سعد رحمه الله فأما من ترى أي جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله له انتهى. Le savantissime Sa'di, il dit, فَأَمَّا مَنْ تَرَى, concernant celui qui a dépassé les limites, Donc, c'est-à-dire celui qui dépasse les limites en osant accomplir les grands péchés et qui ne s'est pas suffi de ce que Allah lui a accordé comme limite. Il ne s'est pas suffi de ce que Allah lui a accordé comme limite. Il accomplit donc les grands péchés. Wa athara al-hayat ad-dunya. Et qui est celui qui a favorisé la vie d'ici-bas. Ay qaddam ad-dunya ala al-akhirah. C'est-à-dire qu'il a fait prévaloir la vie d'ici-bas à l'au-delà. Qal al-'allamah Ibn al-Uthaymeen rahimahullah, inna man sami'a al-adhana thumma faddala an-nawm qaddama an-nawm 'ala al-akhirah. قدم الدنيا على الآخرة. Le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il dit que celui qui a entendu l'Adhan et qui préfère dormir, alors celui-ci a favorisé, a fait prévaloir la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. Il a fait prévaloir le fait de dormir à l'au-delà. فَلْيَتَأَمَّلْ كُلٌّ مِنَّا هل نحن موصوفون بهذين الوصفين الخطيرين؟ Est-ce que nous avons en nous ces deux caractéristiques dangereuses? يا أخي يا أختي في الله إن كنتم قادرين على الهجرة فما الذي يمنعكم من طاعة ربكم؟ Ô mon frère, ô ma sœur en Allah, si vous avez la capacité d'accomplir la hijra, l'émigration. Alors, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche d'obéir à votre Seigneur? هل آثرتم المال والجبن الفرنسي على الآخرة? Avez-vous fait prévaloir l'argent, les biens et le fromage français à l'au-delà? تأملوا في هذا أيها الإخوة. Méditez sur cela, ô mes frères. Al-kathir yuqaddimuna ad-dunya wa maladhatiha 'ala al-akhirah. Beaucoup vont faire prévaloir la vie d'ici-bas et ses délices à l'au-delà. Madha tantadhirun? Qu'est-ce que vous attendez? Al-yawm yaqulu al-ba'd alhamdulillah. Al-an ليس هناك أحد يلزمنا بمصافحة النساء والمرأة قد تخرج منتقبة لأن هذا أحسن لها فيما يتعلق بالفيروس كورونا. Aujourd'hui, certains ils vont même dire Alhamdulillah, les louanges sont à Allah. Aujourd'hui, personne ne nous impose de serrer la main à une femme étrangère. La femme peut sortir avec le visage couvert, parce que c'est mieux pour elle pour se protéger du virus corona. Donc personne ne va l'embêter. Ya ikhaw wa akhawat, la takdhibu ala anfusikum. Ô frères et sœurs, ne vous mentez pas à vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même. La takunu mimman zayyana lahum ash-shaytan a'malahum. Ne faites pas partie de ceux que le diable, de ceux dont le diable a embelli leurs œuvres. واليوم تأتينا أسئلة عجيبة جدا. Et aujourd'hui, nous avons des questions très surprenantes qui nous parviennent. الناس يخافون كيف نفعل لحمل الجثة إلى بلد مسلم في هذه الأوضاع. Les gens, ils ont peur, ils demandent comment faisons-nous pour emporter le corps dans un pays musulman, le corps du mort dans un pays musulman, dans la situation actuelle. هل يمكن دفن الميت في فرنسا ثم إخراجه من الأرض بعدما تفتح الدول الإسلامية أبوابها. Il demande, est-il possible d'enterrer le mort en France et ensuite de le déterrer une fois que les pays musulmans auront ouvert leurs portes. Et donc après que donc cette pandémie soit terminée. Est-ce que c'est possible de faire ça? Idan adraktum annahu la yanbaghi lakum al-baqa huna. Et donc vous avez compris qu'il n'est pas convenable que vous restiez ici. Wa su'al ma huwa alladhi ja'ala an-nas yardawna lahum bil-baqa'i fi bilad al-kufri fi hayatihim wa la yuriduna al-baqa'a fiha ba'da mamatihim. Une question, qu'est-ce qui a fait que les gens, ils agréent pour leur propre personne le fait de rester dans les pays de mécréance pendant leur vie, pendant de leur vivant, et qu'ils ne veulent pas y rester une fois qu'ils sont morts. Na'ishu ma'al kuffar wa nahnu amwat ma'al muslimin. Et donc nous vivons parmi les incroyants, mais par contre, une fois qu'on est mort, il faut qu'on soit avec les musulmans. هل هذا الذي تريدونه؟ Est-ce que c'est ça que vous voulez? لماذا؟ Pourquoi? تقديم الدنيا على الآخرة. Le fait de faire prévaloir la vie d'ici-bas à l'au-delà. Allah Ta'ala. فلذلك قال تعالى في الذين لم يهاجروا Malkudratialadalik. Et c'est pour cela que Allah, le Très-Haut, il a dit, concernant ceux qui n'ont pas fait la hijra, qui n'ont pas fait l'émigration, alors qu'ils en ont la capacité. Elam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. La terre d'Allah n'était-elle pas suffisamment vaste afin que vous puissiez y émigrer? Oulaika ma'wahum jahannam. Alors ceux-là sont ceux dont leur refuge est l'enfer. Wa sa'at masira. Et quelle mauvaise destination. Thumma qala ta'ala fi man jama'a bayna hadhain al-wasfayn fa inna al-jahima hiya al-ma'wa. Ensuite, Allah, donc on revient donc sur la sourate. Allah Ta'ala, il dit, concernant ceux qui ont rassemblé ces deux caractéristiques, le fait donc de dépasser les limites et de favoriser la vie d'ici-bas à l'au-delà, il dit, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Alors l'enfer est le refuge. نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَحْفَظَنَا مِنَ النَّارِ. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous préserver de l'enfer. Wa an yaj'alana min alladhina ya'maluna bi'amali ahli al-janna. Et de nous placer parmi ceux qui accomplissent les œuvres des gens du paradis. Ensuite Allah Ta'ala qui dit: Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa. Mais en ce qui concerne celui qui a eu peur de comparaître devant son Seigneur, et qui a interdit et qui a empêché à l'âme de suivre la passion. Alladhi yakhafu min al-qiyam amama rabbihi li'annahu ya'rifu anna rabbahu sayuqarriruhu bi kulli ma fa'ala yaqulu lahu 'amilta kadha wa 'amilta kadha wa kadha. Et donc celui qui a peur d'être présenté, de comparaître devant son Seigneur. Car il sait que celui-ci, il sait que son Seigneur va le faire admettre tout ce qu'il a fait. Et que son Seigneur lui dira, tu as fait ça, tu as fait ça, et tu as fait ça, comme ça a été rapporté dans le hadith sahih. Wa athara fihi hadha al-khawf. حتى نهى نفسه عن الهوى المخالفة لأمر الله. Et ensuite cette peur, il a donc peur de comparaître devant son Seigneur, et donc cette peur va avoir un impact sur lui et va faire qu'il va empêcher à son âme de suivre les passions qui sont contraires à l'ordre d'Allah. وصار هواه تابعا لِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et donc ensuite, sa passion devient conforme avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. فمن كان كذلك فقال تعالى عنه فإن الجنة هي المأوى. Alors celui qui est comme tel, Allah Ta'ala, il dit de lui, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Alors le paradis est le refuge. هذه الدار التي أعدها الله لأوليائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Et donc cette résidence, le paradis que Allah le Très-Haut a préparé pour ses alliés, qui contient ce dont nul œil n'a vu et nulle oreille n'a entendu et qui n'a et donc et dont aucun n'y a pensé. Thumma qala ta'ala, ensuite Allah le Très-Haut il dit yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Il te demande concernant l'heure, à quand a-t-elle été déterminée? L'heure, c'est-à-dire la fin du monde. Fima anta min dhikraha. Qu'est-ce que tu connais d'elle, donc de cette heure, afin que tu puisses la citer? Ila rabbika muntahaha. Et donc la parole d'Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Il t'interroge concernant l'heure, à quand elle était déterminée. Fas'aluna 'anis sa'ati yakhtalifun. Faminhum man yas'al liyasta'id laha. Et donc ceux qui interrogent concernant l'heure, concernant la fin du monde, ils divergent. Ils sont différents en fonction de leur intention. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة. البخاري et مسلم ont cité dans leur recueil الصحيحين selon Anas ibn Malik رضي الله عنه qu'un homme a interrogé le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم concernant l'heure. فقال متى الساعة. L'homme a dit, à quand est l'heure? À quand est-elle fixée? Le prophète lui a répondu, qu'as-tu préparé pour celle-ci? Qu'as-tu préparé pour cette heure? L'homme il a dit, rien. Je n'ai pas préparé grand-chose pour cette heure. Sauf que j'aime Allah et son messager. Faqala anta ma'a man ahbabt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, tu es avec celui que tu aimes. Tu es avec celui que tu aimes. ومن الناس من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة تعنتا وتكذيبا له واستعجلوا العذاب. Et il y a parmi les gens ceux qui ont interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم par entêtement et pour chercher à traité de mensonge les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour chercher à hâter le châtiment. Alors viens avec le châtiment si tu es véridique. Viens. Allah Ta'ala qui dit yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq. Ceux qui n'y croient pas cherchent à la hâter, la résurrection. Ceux qui n'y croient pas cherchent à la hâter, tandis que ceux qui y croient en sont craintifs et ils savent que celle-ci est la vérité. وهذه النية في السؤال عن الساعة كفر. Et cette intention, cette deuxième intention qu'on a citée, donc de ceux qui interrogent concernant l'heure, c'est de la mécréance. Et donc ceux qui vont interroger comme cela pour chercher à rejeter, à démentir la résurrection. Donc un grand nombre de Mufassirin, lorsqu'ils citent ce verset, disent que ce qui est voulu ici, dans ce verset, c'est justement ce type de personnes-là. Ces personnes, donc, qui rejettent la résurrection. Et donc, cette parole, elle s'adresse à eux. Yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha, c'est-à-dire, ceux qui ont mécru, ils t'interrogent concernant l'heure. À quand a-t-elle été déterminée ? ولكن علم الساعة لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. Cependant, la connaissance de l'heure, quand a-t-elle été déterminée, le prophète صلى الله عليه وسلم ne la connaît pas. فلذلك قال الله تعالى بعد ذلك فيما أنت من ذكرها. Et c'est pour cela que Allah Ta'ala a dit après cela, quelle science en as-tu pour la cité, l'heure? وفي هذا مسائل نؤخرها الى الدرس القادم ان شاء الله حتى لا نطيل بكم. Et il y a en ce sujet là plusieurs points que nous allons retarder au prochain cours inshallah ta'ala, afin de ne pas faire trop long. On va arrêter la cour aujourd'hui. On demande à Allah le très haut de nous accorder la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.